Chapitre 13. La statuette en verre soufflé. Alors, Paulin-Broquet dit au général : Je suis venu vous demander quelques renseignements confidentiels, inutile de le dire, sur un homme que vous seul à Paris connaissez suffisamment. Tout à votre service, de qui s'agit-il ? Du prince Grigoriski. À ce nom, le général et aussi ne purent réprimer un mouvement d'étonnement et d'effroi. Paulin-Broquet, sans laisser voir qu'il s'en était aperçu, reprit « Permettez-moi, général, de vous dire que nous n'avons nullement à parler ici de la famille du prince Grigoriski, de son père, mais de lui seulement, uniquement de lui. »« Bien, mais quel renseignement puis-je vous donner ? Voulez-vous m'autoriser par les plus vite à vous poser les questions ?»« C'est préférable, en effet, je vous écoute. »« Vous avez autrefois, étant très lié avec le père, naturellement connu le fils. » L'actuel prince Grigoriski. Oui, monsieur. À quel âge l'avez-vous perdu de vue ? Vers 15 ans. Comment était-il à cette époque ? Grand, fort, ou bien de santé délicate ? C'était l'âge de formation. Il était assez vigoureux, mais ne promettait pas de devenir un athlète comme son père. Il tenait de sa mère, femme charmante, mais très nerveuse, d'humeur triste, et qui est morte d'une maladie de langueur que rien absolument ne justifiait. Le jeune prince se destinait à la carrière militaire, nullement. Il faisait de la littérature, il cultivait les arts. Je me souviens que son père en était fort chagrin. Il l'appelait le vaporeux, le rêveur. On change avec l'âge. La vie, plus tard, se charge de dissiper les vapeurs et de lancer dans l'action. Ainsi, je crois que le jeune prince, après la mort de son père, s'est jeté dans la politique par le fait, oui. Il a fait partie de plusieurs bandes d'illuminés, de fous, mais ça n'a pas duré. J'ai su mettre ces jeunes cerveaux à la raison. Le prince s'échappa. Oui. Depuis, je n'en ai plus entendu parler que rarement, vaguement. Il s'est adonné à l'opium, au hashish, à je ne sais quoi encore. Il a suivi sa nature rêveuse. Bref, c'est un homme dégradé, perdu. Oui, selon ce qu'on m'avait dit. Paulin-Broquet regarda alors le général et dit « Et vous n'avez pas trouvé étrange que ce prince Grigoriski, cet abruti opiumane, apparut tout à coup devant vous, vaillant, beau, fort et comme un lutteur admirable. » Le général à ces mots sursauta. Il donna sur la table un grand coup de poing. Et proférant un formidable juron, il s'écria « C'est vrai, je n'y ai pas pensé. » Se tournant vers Ossip, il ajouta, furieux « Toi non plus, triple brute, tu ne penses à rien. Tu n'as pas la moindre idée. À quoi es-tu bon sur terre ?» Ossip s'abîma de confusion. « Sers-nous au moins de la vodka !» lui cria le général. « Tu ne sais faire que cela, et la boire !» Puis, ayant avalé son verre en deux gorgées, il dit à Paulin-Broquet « Oui, en effet, maintenant que vous me dites cela, vous m'ouvrez les yeux. Oui, c'est étrange quand j'y réfléchis. » Puis, se reprenant, il ajouta « Mais cet homme, qui en vérité n'offre rien de l'aspect de l'individu minable, abject, qui s'adonne à la petite pipe, qui est un gaillard solide, bien découplé, homme de sport, au regard clair, aux muscles vigoureux. Ce prince, Grigoriski, cependant, m'a dit des choses que lui seul pouvait me dire. Il m'a rappelé des souvenirs, des faits intimes, des détails particuliers d'autrefois, que seul le fils du prince Grigoriski, qui fut mon ami, mon compagnon d'armes, pouvait connaître. Il m'a montré des bijoux, des bibelots que j'ai parfaitement reconnus, que je donnais moi au prince Grigoriski. Je ne pouvais douter alors. » Paulin-Broquet inclina la tête. « Parfait, général, ceci est parfait. Puis-je vous demander si le prince venait réclamer les millions qu'il prétend lui appartenir ?»« Oui, » s'écria le général, « mais il n'y a aucun droit. Comment cela ? Ces millions sont à moi, bien à moi. S'il intente une action en justice, je l'en défie. Bien. D'ailleurs, de quelque façon que ce soit, il n'aura rien, rien, rien. » Vous fournirez naturellement la raison qui... La raison, elle est claire. Les millions sont à moi. J'ai la preuve que le tsar me les a donnés pour bons et loyaux services. C'est un fait acquis. Mais depuis... Le général s'arrêta. Il se retourna vers Ossip. Qu'est-ce que tu as à m'écouter en ouvrant la bouche comme une carpe qui veut avaler la lune en se mirant dans l'étang ? Mais, mon général, de la vodka brute, cheval de réforme. « Mon verre est aussi vide que le tien. » Le général but encore, puis passant la main sur son front qui ruisselait, il reprit. « Depuis, Des années se sont écoulées, beaucoup d'années. Et chaque année pèse sur mes épaules. Et il met un regret lourd comme un sac de plomb. Et maintenant, ça va m'écraser. J'étouffe, j'étouffe. Se penchant vers Pauline Broquet, il dit tout bas. Et puis elle revient. Elle revient me demander cet argent. Pauline Broquet, pressentant que le général allait parler et dire ce que certes, lui n'aurait jamais osé lui demander, avança seulement la tête, sans interrompre, sans prononcer un mot. Il n'avait vraiment qu'à écouter. Le général alors, comme s'il avait peur que ses paroles ne parvinssent plus loin que les oreilles de son auditeur, baissa encore la voix, confidentiellement, reprit « Johanna, ah Johanna, elle est là, dans mon cœur, comme serait un fer de lance planté dans la plaie dont on a pu l'arracher. La douleur est toujours si vive, il semble même que chaque mouvement la souffrance. J'ai passé ma vie dans la bataille. J'ai vécu entouré d'ennemis acharnés. J'ai dû être sans pitié. Je croyais avoir la place du cœur un morceau de bronze sur lequel il y aurait eu gravé « Service du Tsar ». Mais elle apparut, elle, Johanna, et ce morceau de bronze fut comme une boule de neige au soleil. Je l'ai aimé, adoré, j'en étais fou. Mais que pouvais-je espérer, moi, l'ennemi de sa patrie, moi, qui, pour obéir au Tsar, pour remplir ma consigne, était devenu le bourreau de tous ceux de sa race. Elle adorait son mari. C'était non seulement la divine Johanna, parce qu'elle était belle comme une déesse, mais parce qu'elle était pure comme la mère de Dieu. Alors il vint, lui, le prince Grigoriski, son parent, son cousin, et il me livra le mari. Et je dus agir, arrêter l'époux de celle que j'aimais, de celle que je voulais, de celle qui me rendait fou. Et je l'ai condamné, oui, condamné à mort. Cependant, je savais que toutes les charges fournies par le prince Grigoriski, qui se tenait dans l'ombre, toutes les preuves accablantes étaient fausses. Jusqu'à ce jour, quand il fallait, pour le bien de l'Empire, condamner et faire exécuter un homme, une masse d'hommes, je ne m'inquiétais pas de vérifier les charges, vraies ou fausses. Je m'en servais pour justifier les condamnations, les exécutions. Mais cette fois, elle vint, elle. Johanna, elle vint, elle me parla, elle me prit les mains. Elle se mit à genoux devant moi. Elle me prouva que tout était faux, mensonge, trahison, que son mari était innocent. La malheureuse, elle ne se doutait pas qu'elle accablait plus encore celui qu'elle chérissait, puisque moi, je l'aimais, elle. Et je l'ai condamné à mort, lui, son mari, à mort. Le général s'arrêta. Il avala d'un trait un verre de vodka et reprit. Il était là, l'autre, le prince Grigoriski, surveillant la sentence, appuyant le jugement, hâtant l'exécution. Mais elle vint. Johanna, affolée, désespérée, mourante, elle vint chez moi. C'était une heure avant que les cloches sonnassent le glas pour le condamner. Elle m'offrit toute sa fortune, cette fortune qu'il ambitionnait, l'autre, le misérable prince Grigoriski, pour la grâce que je pouvais accorder. Alors, j'ai fait un marché infâme avec Johanna. Vous devinez quel marché. Sur mon bureau, j'écrivis l'ordre de grâce. Et je lui ai vendu la vie de son mari contre une heure de sa beauté à elle. Le général s'arrêta encore. Plus sombre, plus douloureux, il dit « J'ai vu bien des condamnés marcher au supplice. J'ai vu bien des hommes, bien des femmes partir sous les chaînes vers la Sibérie. J'ai vu bien des désespoirs, des rages impuissantes, des déchirements atroces. Je n'ai jamais rien vu comme le martyre de cette femme se courbant sous ce marché. » Alors elle-même donna à mon officier d'ordonnance la lettre de grâce qu'il devait porter en toute hâte. Comme Johanna, son sacrifice accompli, son martyre fini, rentrait chez elle pour recevoir celui dont elle venait de payer la vie, pour fuir avec lui, avec leur enfant, un coup de canon retentit à la citadelle annonçant l'exécution du condamné. Et tous les clochers se mirent à sonner le glas. Le prince Grigoriski, le mari de Johanna, venait d'être exécuté. Le général alors releva la tête. Les amis du prince, pour gagner du temps, guettèrent mon officier d'ordonnance. Croyant qu'il portait l'ordre d'exécution, ils l'entraînèrent hors la ville, le tuèrent. Quand ils prirent le papier qu'il portait, et que joyeux ils pensaient avoir sauvé le condamné, l'heure fixée la veille pour l'exécution sonna. La grâce ne pouvait arriver. Ils avaient, eux, tué leur ami, et Johanna s'était vendue pour un cadavre. Le général étendit la main. Moi, je le jure, j'avais payé mon infamie. Je voulais sauver le prince. Mais depuis, le fer rouge est dans mon corps, dans ma cervelle. Je n'ai pas voulu de la fortune du condamné, du mari de Johanna. Et quand il reparut, l'autre, le prince, l'assassin véritable, pour réclamer sa part, j'ai refusé de la lui donner. Et ceux qui l'ont tué ont, pour la première fois, fait faire une bonne justice au poignard. Depuis, je cherche Johanna et Amédéa, qui sont partis de Pologne, qui ont disparu. Je les cherche pour leur rendre leur bien. Je les cherche pour que Johanna me pardonne. Le général ajouta, je ne les trouve pas. On me dit qu'elles sont à Paris. C'est pour cela que je suis venu ici, mais je n'ai pu encore les revoir. Aussi, avais-je pensé avoir recours à vos bons offices, et vous voilà. Tout est pour le mieux. Parce qu'il faut que je rende cette fortune, il faut que je répare le mal. Alors, elle me sera en repos, elle ne viendra plus me torturer. Johanna me pardonnera, Johanna, la divine Johanna. Le général, du revers de sa rude main, essuya les larmes qui coulaient de ses yeux. Puis, avec cette main toute mouillée encore, il donna un grand coup sur la table, et il cria, « Quant à lui, le fils, le prince Grigoriski, lui, ah, il a beau me menacer, vouloir m'effrayer, les fantômes, ah, les fantômes seront avec moi, et lui, lui, il n'aura rien, rien !» À ce moment, un bruit d'objets brisés se fit entendre dans la pièce à côté. Le général s'arrêta net, il devint pâle. Quant à Ossip, son corps de colosse trembla, je n'ose dire comme la feuille, me fut agité de frissons d'épouvante. Paulin Broquet, lui, se contenta de sourire. « Ce n'est rien, » fit-il, « je m'y attendais. C'est moi qui ai préparé cela. »« Comment vous ?» demanda le général. « Oui, la petite statuette de verre soufflé que j'ai placée sur la serrure. Je l'ai mise là pour la faire casser. »« Par qui ?»« Par le prince Grigoriski. »